À la jeunesse sous pression. Je sens le système tonne, que le système tombe. Salut tout le monde, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, une émission de punk ska hardcore francophone qui diffuse à tous les semaines à partir du souspressionpunk.com, mais aussi à la radio à Ottawa, au CHUO et à Yellowknife ou CVR. Moi je m'appelle Mathieu, je vais vous faire jouer comme à tous les semaines du punk ska hardcore tout en français. Et si vous écoutez pas pour la première fois, si vous êtes pas nouveau, pas nouvelle à l'émission, vous êtes sûrement en train de vous rendre compte que l'introduction de l'émission a changé. Bien sûr, avant, c'était un morceau de dur cœur, mais comme il y a eu quelques changements dans l'émission dans les dernières semaines, j'ai décidé de préparer une nouvelle introduction, faire un peu de changement. Maintenant, un morceau de Les Partisans, pour la première fois que je me sors de Les Partisans pour une introduction à l'émission. Mais c'est ça. En tout cas, nouvelle introduction, nouveau début pour l'émission. Ça va bientôt faire 7 ans que l'émission existe. Il était temps peut-être un peu de faire un changement. Alors, on va commencer l'émission avec un hommage à l'ancienne introduction. Enfin, c'était un morceau de dur cœur, le morceau piège. J'avais pas vraiment fait jouer parce que je m'en servais comme introduction. Mais comme la chanson ne figure pas au début de chaque émission, je vais commencer l'émission avec du dur cœur, le morceau piège. Alors, c'est ça, du dur cœur à sous pression. We'll be right back.

Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Capable de leur plus récent EP Société Problème. C'était le morceau Continue de rêver. Du Hooligan Volstar Band avant ça, de leur EP Volstar Revenge, le morceau Sous les ponts. Jeunesse et Patrick d'avant ça, de leur dernier album, L'Arme au Point. Non, c'est en fait, L'Arme au Point, c'est pas leur dernier album. Leur dernier album, c'est Jusqu'au bout. C'est l'album avant leur dernier album. C'était le morceau Clocher. Du Faux départ avant ça, de leur démo sorti tôt en 2016. C'était le morceau Dans ma grotte. Placard avant ça avec testé cliniquement la misère avec ce mot-là. Et on a commencé avec du Dur Cœur, le morceau piège de leur démo, leur EP, leur album éponyme, peu importe comment vous voulez l'appeler. Le Dur Cœur, comme j'ai su récemment, vont sortir un album bientôt. L'album apparemment est tout fini, là, c'est juste une question de la lancer. Je vais venir à jour avec ce qui se passe avec ça. Mais entre-temps, je continue la musique. Je vais jouer du Monoxide qui ont sorti un album très récemment. Je pense que le lancement officiel est bientôt. L'album éponyme. Je vais jouer le morceau Pop 101. Alors voici du Monoxide à sous pression. Yeah. la pointe de l'aiguille, le ténèbre aiguisé est un heureux supplice pour les cœurs chavirés. Ton chant est si sauvage que tous les naufragés rêvent de s'y noyer. On t'écoutera toujours au creux des grands silences chanter avec bonheur la joie de tes errances, et nous respirerons comme si l'air nous manquait l'éther de ta voix. Ralentir, je m'en allais, je m'enfuir, et t'offrir mon dernier sourire. Et alors, je vous rappelle aussi en ce moment-ci de l'émission qu'on a, bien sûr, le site web. On a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Allez, aimez l'émission si vous êtes sur Facebook. Sinon, si vous voulez envoyer un message plus en direct, c'est info@commercial-sous-pression-punk.com. info@commercial-sous-pression-punk.com ou aérobas, peu importe, c'est la même chose. Et alors c'est ça, là, je continue en musique avec le bloc solo mondial. Moment d'émission, on fait jouer des chansons par des groupes à l'extérieur du monde anglophone et francophone. Cette semaine, je vais faire jouer le groupe Repulsion, groupe de l'Espagne, qui chante ça en espagnol. Je vais faire jouer deux morceaux de leur album éponyme, le morceau Repulsion et le morceau Opposition. Alors voici du Repulsion à sous pression. C'était Repulsion avec Repulsion et Opposition. On continue avec Charlie Foxtrot et Jouer par terre. Pour ça. un jasmin. Ne va pas t'as rien que la guitare. J'enseigne. On n'entend vraiment rien. Encore pas ça crie à plus fort. Un type s'en parle de mon micro. Et avec son analyse de pierre, il refrain ça comme avec les mots. C'est pour ça qu'on est joué. Me regarde avec les bras croisés. Il se bouche l'oreille avec son doigt pour pouvoir mieux m'entendre fausser. Un autre le pousse sur mon micro qui me fait la lèvre plus qu'en ce dent. Qui comme Gigi, je finis chaud. Avec la gueule qui me fait ça. Ça me rappelle le show est parti. Quand on était au secondaire. Dans le cabouillage de ta mère. C'est pour ça qu'on a joué par terre. En buvant l'alcool. C'est comme ça qu'on est joué par terre. Woo! Oh, yeah! plus tranquille, résider le danger. Crois que pour nous c'est facile, le mépris de l'homme poussé. Complètement cassé, j'en peux plus, j'en l'embarque. Finira comme ça trop tard. Le plus du travail, plus du travail. Je souviens-toi, ce que t'étais avant. Tu t'en adorais en haut, tu te battais en vie. Loin des envies. Qu'est-ce que tu t'écris? On peut l'entranger, on peut l'entranger. Le pic du travail. We'll be right back. Salut, vous êtes évidemment toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Stakhanov SS de leur EP du même titre. C'était le morceau Bochou SS, cet album-là, ou ce EP-là sorti en 1981. Alors, ça date d'assez longtemps. Du Birrug et Noir avant ça, de l'album Akada Massacre, le morceau noir Les Horreurs, Asile avec Ce qu'on nous dit de leur album Les Enfants bâtards d'un pays maudit. Serpette avant ça avec Jihad Animal. Du Gas Mask Terror avec Octobre Rouge, Fuck Tout avec J'ai de quoi te dire. Du Brume Rétina avant ça de leur album Agrescol, on a écouté DJ Mucho. Du Toujours Rien avec Depuis que tu travailles, Rix avant ça de leur nouvelle EP Baptême du Feu, c'était le morceau Tenter le Diable. Ultra Razia avec Croire et on a commencé avec le bloc avec du Charlie Foxtrot de leur album La Mèche Courte, c'était le morceau Jouer par terre. Je vais vous laisser maintenant avec un dernier morceau. Je vais vous faire jouer du Marmotte Aplati de leur album Décadent, le morceau Caroline. J'espère que vous avez aimé l'émission. J'ai essayé une couple de nouvelles choses cette semaine, une nouvelle introduction. Je vais aussi faire des jouets, des chansons un peu à l'arrière-plan. Ça fait peut-être un peu plus intéressant que juste entendre ma voix. Mais si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, vous voulez plaindre un peu des nouvelles choses que j'ai essayé, envoyez-moi un message info@commercial-sous-pression-punk et laissez-moi des commentaires ou si vous voulez dire que c'est bien réussi, allez-y fort ou si vous voulez juste me dire que c'est pourri, vous pouvez aussi me dire ça. C'est ça, je vais vous laisser avec du Marmotte Aplati maintenant, passez une excellente semaine. Tu pensais pas qu'il t'attachait dans... les amis, bah moi, tu sais, il faut que je te confie, Caroline, que puisque tu n'y étais pas, j'ai dégusté du ragoût comme je n'en ai jamais mangé. J'ai mis mes bretelles, j'ai fait quelques pas de danse.